Mes amis, l'instant doit être solennel. Diego, libre dans sa tête, déjà mort, peut-être. Un petit hommage à la Johnny pour faire un petit geste amical en direction de Diego Maradona, qui lutte à Buenos Aires pour sauver son cœur. Ah, Diego, t'aurais dû rester à l'herbe, t'étais intouchable sur la pelouse. Bref, mes amis, quelle soirée ce week-end. Je me sentais un petit peu seul après ce fabuleux concert d'André Rieu que j'étais voir. Je connais personnellement ces 55 solistes au pipeau, des filles fort talentueuses. Alors ma femme était à une manif des chiennes de garde pour leur casser la gueule. Ma concierge, Madame Pedrosa, était en stage torture, humiliation et châtiment. Comment y prendre goût? Didier Porte, qui voulait absolument que je lui présente André Rieu, était ivre mort. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, je ne trouvais plus mon carnet à radas. Je décide donc de sortir. Je passe devant un bar appelé « Aux amis de la mousse qui tâche ». J'étais tenté, mais sans plus à la vérité. Je cherchais quelque chose de plus classe pour la soirée, quelque chose de chic, un endroit où je pourrais mettre en valeur mon côté gentleman, mon côté Danny Briand. Quand est-ce le coup? Le choc, la révélation, le coup de foudre! Ni une ni deux, j'ai franchi le pas de chez Cool Lounge Kanchi. Salut le pingouin, y a un pouf de lit pour Helmut dans ton troquet? Ah, parfait. Donc, chez Nestor. Oui, je vais prendre un schnapps martini. Attention, hein. Au shaker, pas la cuillère, comme James. Non, pas Bond, James Wolfgang, mon barman tyrolien préféré. Merci, mon brave. D'où Jésus? Que les burnes du Kaiser me crèvent un nez! Mais qu'est-ce que c'est que cette louloute de concours? Ah, faut que je l'aborde. Bonsoir, bel enfant. Vous êtes venu pour vous détendre ou vous êtes une pute? Oula! Te fâche pas, Evelyne Delia! Tu bois quoi? Un schnapps? Non, champagne? Bon. Nestor! Une coupe pour la dame habillée comme une pute à côté de moi. Tu lui rajouteras une petite goutte de schnapps, discretos. Tiens, goûte-moi ça, la calasse. C'est la cuvée perçue. Bon, c'est pas tout ça. Allez, viens, on va finir la soirée chez moi. J'en ai des caisses pleines. Comment ça, c'est 1000 euros la nuit? Allez. 15 euros plus un taxi. Allez, fais pas ta difficile, quoi. Bon, 20 euros, d'accord, mais tu payes le tacos, Madame Claude. Oh là là, Christophe, on a passé une nuit de fou. Mais quand j'ai dit de fou, une nuit de fou, hein. J'avais oublié de lui dire que Gunther le barbare était chez moi à ce moment. Et je crois que ma nouvelle amie a quelque peu perdu la raison. Mais je suis sûr que ça ira mieux quand Gunther la détachera. Pour l'instant, elle est toujours pendue par les pieds dans mon salon. D'ailleurs, je vais aller jeter un œil et passer 12 heures la tête en bas. Il paraît que ça peut faire mal à la tête. Allez, au revoir.